comment je le pose, elle aime comment je le fais. Quand je me doute de la dose, elle aime quand je suis près de sa peau. Elle peut mettre son cœur dans ma paume. J'en prendrai soin, avec elle on se tape des barres. J'ouvre la porte quand elle prend sa douche. Nina m'intéresse plus, je veux pas que ce soit une autre. J'irai accepter car pour moi le lin c'est de l'eau. L'amour de mes frères c'est de l'or. Je soigne tous mes proches et je reste humble devant mon père. Y'en a pas de comme maman, y'en a pas de comme le clan. Pauline sur terre, on peut plus comme à cause de ta maman. R.E.P. Pharma, j'ai les clans. Le pipo reste dans la légende. Banana médicale que j'body, balade en Fujin. J'la croise comme Fuji, elle sort du brouillard. J'y crois pas, j'suis dans un fouin. Jutsu, jutsu, jutsu. La rose pour toi, to you, to you. J'débarque en Toyota. En arrivant, se fait beau. Pour toi, on se met tous classe. J'ai pas pu gérer les coups de ton cœur. J'ai mes vies dans les mœurs. Tant pis, j'réajuste mes valeurs. T'es pas réglo, comment fait. Dans la galère, j'ai la fête. J'suis le roi mais j'ai la fièvre. T'es mal poli, t'es mal poule. Tout devient tactile, donne la baguette. J'fais de la magie à Paris Iggy. Mais je le mérite, de te mériter. Vais-je mériter François Gerbaud marité. Oh. Et on veut le monopole, sans suivre le protocole. J'suis loin des textes que j'écrivais en air de colle. J'démarre fort, j'garde la foi, tel est mon sort. J'pense que somme, on se fait la guerre et bon constant. Plus d'état d'âme, plus d'état d'âme. J'fume plus qu'Adam, j'fume plus qu'Adam. T'es mimi, tu montes à bord, sélectionne la direction sur le tableau de bord. On pète le score, étale mon œil sur ton corps. Et moi bébé, tu prendras ce que tu veux chez Giuseppe. Ton cœur est soufflé, tes palpitements accélèrent. Pour toi je serai riche célèbre, te dire je t'aime, il est sur mes lèvres. Pour toi je serai riche célèbre, te dire je t'aime, il est sur mes lèvres.